have some few things to be done, and we just quickly go through some. And today is the last day before we start retreat. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Today is the last day before we start retreat. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And please, those of you. And please, we are to be prepared for the retreat also. The Lord is our preparation. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Today is the last day before we start the retreat. The retreat starts on Friday. Mm-hmm. And then we end on Sunday, Monday. And some are leaving on Sunday, then we close on then on Monday, some are still here, then we close. Amen. Amen. And the normal service will also start on Wednesday next week. Amen. Amen. And I'm very sure it is also going to be the message of faith. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Aujourd'hui c'est le dernier jour avant le retraite, et on va parler aussi sur les sujets de la foi. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Before we continue with that of faith, we will quickly go through the message on a little bit of the message on Sunday, which is Jesus and Christ. Bevor wir mit der Predigt von Sonntag, bevor wir mit dem Glaubensthema weitermachen, werden wir uns mal Bezug nehmen auf die Predigt von Sonntag, wo es um Jesus und Christus ging. Et avant qu'on commence avec ou continue avec le message de la foi, on va d'abord parler sur le sujet de Jésus-Christ et le Christ, Jésus et le Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the message on Jesus and Christ, we have to understand them, you know, this message properly and not to be confused about them. Diese Botschaft über Jesus und Christus müssen wir ganz klar verstehen, sie darf uns nicht verwirren. Et on doit comprendre le message sur Jésus-Christ vraiment très bien, pas être confus. And you know, when we closed, one of my children came to me and asked me a question concerning Jesus and Christ, that the two, that if the two are, let me say, in a form of, are they one? Yes, Christ and Jesus, they are one, just like this. The God, the Father, the God, the Son, the God, the Holy Ghost, they are one. Einer der Kinder Gottes hat nach der Predigt eine Frage gestellt, ob Jesus und Christus, ob sie eins sind. Und natürlich sind sie eins, genauso wie Gott, der Vater, Gott, der Sohn, Gott, der Heilige Geist eins sind. Et c'est même passé, un de mes enfants m'a demandé si le Christ et puis Jésus-Christ sont un et Jésus sont un. Et puis je lui ai dit que oui, c'est vrai, parce que le Saint-Esprit, Dieu et Jésus-Christ, ils sont aussi un. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Don't be confused with Jesus and Christ. Sei nicht verwirrt, wenn es Jesus und Christus geht. Et ne sois pas confondu s'il s'agit de Jésus-Christ et de Jésus et le Christ. Amen. Amen. Without Jesus, Christ cannot come here to come and save us. Ohne Jesus kann Christus nicht hier hinkommen, uns zu retten. Amen. Parce que sans le Christ, Jésus ne peut pas venir ici pour nous sauver. We cannot do without Jesus. Wir können nicht ohne Jesus. On ne peut pas sans Jésus-Christ. Amen. Mm-hmm. So also we cannot do without Christ. Und genauso können wir nicht ohne Christus. Amen. Et comme ça aussi, on ne peut pas sans le Christ. Both are one. Beide sind eins. Tous les deux sont un. Amen. Amen. Again, just as the God the Father, the God the Son, and the God the Holy Ghost are one. Beide sind eins, genauso wie Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist eins sind. Tous les deux sont un comme Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. That means it is very, very important that we know the difference between Jesus and Christ. Dennoch ist es wichtig, dass wir den Unterschied zwischen Jesus und Christus kennen. Mais c'est important de savoir aussi la différence entre Jésus et le Christ. Amen. Amen. That's how you are even going to know Christians. For example. Und so wirst du auch Christen erkennen können. Et c'est comme ça aussi comment tu vas reconnaître les chrétiens. Amen. Christianity is about seeing the outside. Weil im Christentum geht es darum, das Äußerliche zu sehen. Parce que dans la religion chrétienne, il s'agit de l'extérieur. Amen. Amen. Seeing the outside is not seeing Christ. Aber das Äußerliche zu sehen, heißt nicht Christus zu sehen. Mais que tu vois l'extérieur, ça ne veut dire pas que tu vois le Christ. Christianity see only Jesus, but they never see Christ. The Christ in Jesus. Das Christentum sieht immer Jesus, aber sie sehen nicht Christus in Jesus. Et dans la religion chrétienne, les gens voient toujours le Christ, Jésus, mais ils voient jamais le Christ en Jésus. Jesus is the body. Denn Jesus ist der Körper. Jésus est le corps. Christ is the Father. Und Christus ist der Vater. Et le Christ est le Père. Christ is the Spirit. Christus ist der Geist. Et le Christ est l'Esprit. Mary is the mother of Jesus, but not the mother of Christ. Amen. Maria ist die Mutter von Jesus, aber nicht die Mutter von Christus. Par exemple, Marie est la mère de Jésus, mais pas la mère du Christ. Amen. Amen. Just like you and me. Genau. Amen. If you are saved, your parents is the mother of your body. But the mother, the father, the parents of your spirit is Christ Jesus. Wenn du wiedergeboren bist, sind deine biologischen Eltern die Eltern deines Körpers. Deines Fleisches, deines Körpers sozusagen, aber die Eltern deines Geistes, das ist Jesus Christus. Ist la même chose avec nous. Par exemple, tes parents sont les parents de ton corps, de ta chair, mais c'est Jésus Christ qui est le parent de ton esprit. The spiritual world controls the physical world. Das Geistliche, die geistliche Welt kontrolliert die physische. Le monde spirituel contrôle le monde charnel, le naturel. The spiritual world is greater than the physical world. Die geistliche Welt ist größer als die physische Welt. Le monde spirituel est plus grand que le monde naturel. If Christ Jesus is the parent, is the father, the mother of your spirit, of you being in the spiritual world, it means it's greater than the natural parents. Wenn Christus Jesus Eltern von deinem Geist sind, in der geistlichen Welt, dann ist das viel größer als deine biologischen Eltern, weil das eine Geist ist und das andere ist Fleisch und der Geist steht über dem Fleisch. Et si Jésus-Christ est ton père et ta mère dans l'esprit, ça veut dire que le monde spirituel est plus grand que le monde naturel, ça veut dire qu'il est plus grand que tes parents naturels. And that's why Jesus said, "Call no man father on earth." Deswegen sagt Jesus, nenne niemanden Vater hier auf Erden. C'est ça pourquoi Jésus nous dit de ne pas appeler une personne autre père sur terre. Amen. Amen. Your only father, the only true father you have is Christ Jesus. Der einzige wahrhaftige Vater, den du hast, ist Christus Jesus. Le seul vrai père que tu as, c'est Jésus Christ. Amen. Amen. If you die right now, if your father dies over. But Christ never dies. Wenn eure Väter sterben, ist es vorbei, aber Christus stirbt niemals. Et si par exemple tes parents meurent, là c'est fini, mais si Jésus-Christ meurt, ce n'est pas fini, ça continue toujours. I don't have a natural father any longer, but I still have a father. Ich habe keinen natürlichen Vater mehr, weil dieser verstorben ist, aber ich habe immer noch einen Vater. Moi par exemple, je n'ai plus un père naturel parce qu'il n'est plus en vie, mais j'ai un père qui existe toujours, puisque ce père c'est Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if you don't know if you have mother, you still have a mother if you have Christ Jesus. Das Gleiche geht auch dafür, wenn du keine Mutter mehr hast. Auch dann ist Christus auch immer noch deine Mutter. Et la même chose si tu n'as plus une mère, c'est Jésus Christ qui est ta mère. And also, if you do not have a husband, genauso auch you wenn have du keinen Ehemann hast. That husband is Christ Jesus. Hast du einen Ehemann? Dieser Ehemann ist Christus Jesus. Amen. Même si tu n'as pas un mari. Tu as un mari qui est Jésus Christ. Amen. Amen. He is the only husband we are able to have. Er ist der einzige Ehemann, den wir überhaupt haben sollten. Et lui est le seul mari qu'on doit même avoir. Amen. Amen. And if you do not have children, you have children. Those children, they are Christ Jesus. Amen. Auch wenn du keine Kinder hast, hast du schon Kinder in Christus Jesus. Et même si tu n'as pas encore des enfants, Jésus Christ est ton enfant. Amen. Amen. And that's why Paul never bothered to marry. Deswegen hat Apostel Paulus sich niemals darum gesorgt zu heiraten. Et c'est pourquoi Paul, par exemple, il s'est jamais inquiété de se marier. Because if you have Christ, you have everything. Weil wenn du Christus hast, hast du alles. Si tu as le Christ, tu as tout. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Christianity see only Jesus. Das Christentum sieht einfach nur Jesus. Le christianisme voit seulement Jésus. They don't know Christ. Sie kennen Christus mais nicht. Ne connaissent pas le Christ. They only see the flesh. Sie sehen nur das Fleisch. Ils voient seulement la but chair. Not the spirit. Aber nicht den Geist. Mais pas l'esprit. Amen. Amen. Example, Thomas. Wie Thomas Philippe. Und Philippus. Comme par let's exemple, go to John 14, please. Would you go there? Amen. Comme par exemple Thomas ou Philippe, on va lire maintenant Jean 14. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. We'll quickly read from 1. Johannes 14, 1. Jean 14, verset 1. He said, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. You know, Jesus is separating something here. Believe in God. Believe also in me. Is he not God? In Johannes 14,1 steht, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Jesus Christus trennt hier etwas, ist er denn nicht Gott? Wieso sagt er, glaubt an mich und an Gott? Dans verset 1, Jésus nous dit, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Et on peut voir ici que Jésus-Christ est en train de se séparer de Dieu, mais la question est, est-ce qu'il n'est pas Dieu? He's talking about the outside and the inside of him. Er spricht über das Äußere und das Innere von ihm. Mais ici, Jésus-Christ parle de l'extérieur, de son extérieur et son intérieur. Is somebody getting it? Mm. He's talking about the outside. Er spricht über das Äußere, and Jesus Christ. Und Christus. Mm. Donc, il parle de l'extérieur qui est Jésus et l'intérieur qui est le Christ. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 2, it said, in my father's house are many mansions. Verset 2. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He's the only one that promised coming back. Er ist der Einzige, der versprochen hat, zurückzukommen. Dans verset 2, on peut voir que Jésus-Christ est la seule personne qui a promis de rentrer. Amen. Amen. Mohammed never promised coming back because he's not coming back. Mohammed it's not possible. Hat nicht versprochen, zurückzukommen, weil er in der Hölle ist. Er kann nicht zurück. Mohammed, par exemple, n'a jamais promis de revenir parce qu'il n'est pas capable de revenir. Maintenant même, il est en enfer. Der hat andere Sorgen. Amen. All the religious leaders, if you look at them, the Buddha, all the, you know, Hindus, you know, they never promised coming back, mm-hmm. except Christ alone. Und diese ganzen anderen religiösen Leiter, Buddha oder sonstige Leute, die kommen nicht zurück. Christ ist der Einzige, der versprochen hat, zurückzukommen. Et même les autres maîtres religieux, comme par exemple Bouddha ou bien Hindu, eux-mêmes, ils n'ont jamais promis de revenir parce qu'ils ne sont pas le sauveur. That will help you to know that having Christ is not having religion. Das wird uns helfen zu erkennen, dass Christus zu haben bedeutet nicht Religion zu haben. Ça te montre qu'avoir le Christ, ça ne signifie pas que tu as une religion. No religion can save you. Keine Religion you kann dich retten. Auch das Christentum kann dich nicht retten. Aucune religion peut te sauver, même pas le christianisme. Jesus said, come unto me, all you that labor, and I will give you rest. Jesus Christus hat gesagt, kommt her zu mir, all die ihr mühselig beladen seid, ich werde euch Ruhe geben. Parce que Jesus Christ a dit, venez vers moi, parce que moi, je vais vous aider. He never said, embrace religion. Er hat nicht gesagt, kommt zur Religion. Il n'a jamais dit, viens vers la religion. He said, come to me, I'm a person. Sondern er hat gesagt, kommt zu mir, ich bin eine Person. Venez chez moi, parce que moi, je suis une personne. I want to live inside you. Ich möchte in euch leben. Je veux vivre en vous. And you live inside me. Und ihr lebt in mir. Et vous vivez en moi. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In verse 3, and if I go, I prepare a place for you. Verset I will 3. Come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Praise the Lord. Hallelujah. He's not a man that should lie. Er ist kein Mensch, der lügt. Il n'est pas une personne qui ment. Amen. Amen. If Noah, you know, Noah did not lie. Noah hat nicht gelogen. Noé, par exemple, il n'a pas menti. How much more Christ Jesus? Wie viel mehr wird er? Er wird Jesus Christus nicht lügen. Combien de plus Jésus-Christ ne va pas nous mentir? You know, Noah ministry preached for more than 100 years. Noah hat mehr als 100 Jahre lang gepredigt. Même Noé, par exemple, il a prêché pour. And he was building the ark. Und er hat die Asche währenddessen gebaut. Et il a construit l'arc. are saying that there is destruction coming over the earth. Und hat die Leute gewarnt, dass Zerstörung auf diese Welt zukommt. Et il a dit que la destruction va venir à la terre. A lot did not believe. Und viele haben ihm nicht geglaubt. Mais beaucoup de gens n'ont pas cru. But everything happened. He did not lie. Aber es ist passiert. Irgendwann fing es an zu regnen. Er hat nicht gelogen. Man pouvait voir qu'il n'a pas menti parce que un jour la pluie. How much more Christ Jesus? Wie viel mehr Jesus Christus? Plus Jésus Christ. He never lied. Er lügt niemals. Il ne ment jamais. He said, I am coming back. Er sagt, ich komme zurück. Il dit que je rentrerai. Amen. Amen. Verse 3 again. Verse 3. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, dear, you may be also. Is that not, you know, if you understand yet, there's nothing that will bother you. Wenn du das verstehst, wird dich nichts aus der Ruhe bringen. Amen. Et si tu comprends verset 3, là, rien va t'inquiéter. Amen. Amen. If even nothing is working for you here on earth. Auch wenn hier auf Erden nichts für dich läuft, nichts funktioniert. Même si rien ne fonctionne pour toi ici sur terre. But there is somebody that you know, the creator of heaven and earth, is saying that you are going to be where he is. Aber der Schöpfer von Himmel und Erde verspricht dir einen Platz in seinem Zuhause. Mais le créateur de ce monde te promet de vivre avec lui pour toujours. This is different from the promise of husband and wife. Es ist etwas anderes als ein Versprechen zwischen Eheleuten oder zwischen Eltern und Kindern. Et tu vas comparer ça avec la promesse entre hommes et femmes ou bien parents et enfants. Oder Freunden. Ou bien même des amis. You know, marriage, you know, when husband and wife, you know, that day they say for better, for worse. It's a lie. It's a big lie. For better, for stay. For worse, for go. Amen. Wenn die Eheleute sich das Ehegelübde geben und sagen, sie werden für immer zusammenbleiben, auch in guten und schlechten Zeiten, ist das gelogen. Weil in guten Zeiten ist man zusammen und in schlechten Zeiten ist man weg. Et ce n'est pas comme dans ce monde quand les gens se marient et disent toujours qu'on va être ensemble dans les bons comme dans les mauvais jours. Et ça, c'est vraiment un grand mensonge parce qu'on peut voir que l'homme change toujours. Si tout va bien, là, l'homme est vraiment content. Mais s'il y a des problèmes, les gens commencent à fuir. Amen. If you say for worse, you know, look at marriages today everywhere. Look at marriage everywhere. Schaut euch Ehen an. Separation, divorce everywhere. Entscheidung überall. Amen. Because you know it is for worse. Get out. Weil in schlechten Zeiten heißt es verschwinde. Parce que quand il y a des jours difficiles, on va te chasser. The only one that say for worse, I'm still there with you, is Christ Jesus. Der einzige, der in schlechten Zeiten immer noch sagt, ich bin für immer bei dir, ist Jesus Christus. Mais la seule personne qui va être qui te dit qu'il est toujours là pour toi, c'est Jésus Christ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In verse 4, it says, whither I go, you know, and the way you know. Verset 4. You know where I'm going. Ihr wisst, wo and you know the way. Ihr kennt den Weg. Verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Verse 5. Thomas said unto him. Verset 5. Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Praise the Lord. Hallelujah. You know, Thomas is saying, we don't know, but the Lord says, you know. Thomas sagt, ich weiß es nicht, wir wissen es nicht, aber der Herr Jesus sagt, du weißt es, ihr wisst es. Et Thomas dit qu'il ne sait pas, il ne connaît pas le chemin, mais Jésus Christ dit que tu le sais. In verse 6, Jesus said unto him, verset 6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you know me, you know the way. Wenn ihr mich kennt, sagt Jesus, kennt ihr den Weg. Et Jésus-Christ nous dit, si vous me connaissez, là vous connaissez aussi le chemin. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 7 said, if you have known me, you should have known my Father also. And from henceforth, you know him and have seen him. Is somebody getting something here? Yeah, he's saying he's God. Hier sagt er ganz klar, ich bin Gott. Dans verset 7, on peut voir qu'il dit qu'il est Dieu. Where we are going is verse 8, please. Philip said unto him, Lord, show us the Father. You know, for them it's all about the outside. They could see the outside. Sie konnten das Äußere sehen. Verset 8 nous dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Donc ça montre ici que l'homme est toujours derrière l'extérieur. They will only see Jesus, but not Christ. Sie haben nur Jesus gesehen, aber nicht Christus in Jesus. Ils pouvaient seulement voir Jésus, mais pas le Christ en Jésus. Amen. Amen. Philip said unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. Jesus said unto him, verse 9. Have I been so long with you, and yet hast thou not known me, Philip? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Ah. We need the inside. Wir brauchen das Innere. Amen. L'intérieur. The outside will deceive you. Weil das Äußere uns täuschen wird. Parce que l'extérieur peut te confondre. Amen. Amen. You know the disciples. You know, for Jude to believe Jesus, it has to come from the Holy Spirit, especially there. Die Jünger, damit sie an Jesus glauben konnten, hat es den Heiligen Geist gebraucht. Et pour que le disciple croie Jésus-Christ, ils avaient besoin du Saint-Esprit. Amen. Amen. The Bible says God never sleeps, he never does, but Jesus sleeps and does. Die Bibel sagt, Gott schläft nicht und er schläft auch nicht ein. Er nickt auch nicht ein, aber sie haben gesehen, wie Jesus gut geschlafen hat. Et la Bible nous dit que Dieu ne dort ni se repose, donc il se repose jamais, mais les disciples pouvaient voir comment Jésus-Christ a même dormi. Amen. You know, he was hungry like that. Il avait hunger wie sie. Tired like that. Müde wie sie. Jésus était fatigué comme eux et avait aussi faim comme eux. Everything that happened to them happened to him. Alles was. They said, this is God. Are you getting it? Then if he is God, then I'm God also. Are you getting it? Praise the Lord. Und alles, was ihn körperlich, physisch widerfahren ist, ist ihm auch widerfahren. Hat er auch an seinem eigenen Körper erfahren. Und natürlich würden dann diese Leute sagen, okay, wenn er schwitzt, wenn er mal was ins Auge bekommen kann, wenn er, wenn ihm mal kalt sein kann und mir das auch passiert, dann wieso ist er Gott und wieso bin ich nicht Gott? Sind wir doch alle Gott anscheinend, weil ich habe mir Gott anders vorgestellt. Et tout ce qui est arrivé aux disciples, c'est arrivé aussi à Jésus-Christ. Si les disciples transpiraient, Jésus-Christ aussi transpirait. Donc ça montre que Jésus avait aussi une nature humaine. In verse 9 again, Jesus said unto him, Have I been so long with you, and yet have thou not known me, Philip? He that has seen me has seen the Father. And how sayest thou then, show us the Father? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Believe thou not that I am in the Father, si, and the Father in me. Merci 10. Verse 10. The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, he doeth the works. Praise the Lord. Hallelujah. The Spirit that dwelleth in me. Der Geist, der in mir wohnt. L'esprit qui demeure en moi. Inside of me. Das Innere von mir. Is the doer of the job. Not the outside. Die Werke, nicht das Äußere. Et c'est l'intérieur qui fait le travail, pas l'extérieur. C'est ça, c'est que Jésus-Christ est en train de nous dire ici dans verset 10. Amen. Amen. You know Christianity today. Amen. And that's why we have to know the difference between to be a Christian and to be a citizen of the kingdom of heaven. Deswegen müssen wir wissen, was der Unterschied ist zwischen einem Christsein und einem Bürger des Königreiches von Jesus Christus sein. C'est ça pour qu'on doit connaître la différence entre être un chrétien ou un citoyen du royaume des cieux. Look at Christianity everywhere today. You can see that. If you know when you mention anything Christian, the first is Catholic. Guck dich das Christentum heutzutage an. Wenn du über das Christentum sprichst, denkt jeder direkt an die katholische Kirche. Si par exemple tu parles du christianisme, mais tu parles de Jésus en général, beaucoup de gens pensent d'abord des catholiques. Amen. Praise the Lord. Amen. Jesus did not come repent for Christianity is at hand. Jesus hat nicht gesagt, tut Buße, denn das Christentum ist nah. Jesus Christ n'a pas dit repentez-vous parce que le christianisme est là. You wonder why, you know, the Christianity, you can see everywhere today this. There's nothing working for God's children. Or the so-called God's children, the God people. Why? Amen. Why? Because it's not what Christ wants us to preach. He wants us to preach him and not religion. Und deswegen sehen wir, dass auch aus dem Leben von Kindern Gottes halt oder sogenannten Kindern Gottes nichts nicht der Wille des Herrn zustande kommt, weil diese Menschen das predigen, was der Herr niemals befohlen hat. Sie predigen das Christentum, aber nicht das Königreich. Et c'est ça pourquoi on peut voir que rien fonctionne dans la vie des enfants de Dieu, parce que eux ils préfèrent de suivre la religion, ils préfèrent de prêcher ce que l'homme aime écouter, pas ce que Jésus-Christ appelle la vérité. Il ne s'agit pas de la religion, mais du royaume de Dieu. C'est ça, c'est que les gens ne sont pas en train de comprendre. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Christianity is male or female. Das Christentum sieht, das Geschlecht sieht männlich oder weiblich. Et le christianisme voit le sexe, il voit si c'est une femme ou bien un homme. Amen. Et si old and young. Alt und jung. Il voit si quelqu'un est, par exemple, vieille ou bien jeune. Amen. They see what you wear. Sie sehen das, was du anhast. You are putting on trousers. Dass du eine Hose anhast. Les gens religieux voient ce que se concentre sur ce que tu portes, si tu portes un pantalon ou bien quelque chose d'autre. Amen. They see what you know, but they see what they just see you. They just for you, for them it's all about outside. Sie sehen dich an und schauen nur auf dein Äußeres. Für sie geht es nur um das Äußere, um das, was du von außen ausstrahlst oder bist. Et si les gens te voient, ils se concentrent toujours sur l'extérieur. They see your makeup. Sie sehen deine Schminke. Ils voient ton maquillage. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. The fight women that preach Christ. Sie bekämpfen Frauen, die Christus predigen. Les gens religieux combattent les gens qui les femmes qui prêchent. You know they accept them. You know they are able to see Jesus. They will accept Jesus because Jesus is male. Sie akzeptieren and not female. Jesus, weil er männlich ist und nicht weiblich. Les gens acceptent Jésus parce qu'il est un homme et pas une femme. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. You put on trousers offended. Wenn du eine Hose anziehst, provozierst du sie. Que tu portes, parce que tu portes un pantalon, les gens sont offensés. They're saying no to what Christ called the truth. We never offend them. Aber nein zu sagen zu dem, was Christus Wahrheit nennt, das würde sie niemals provozieren. Bitte? Also nein zu sagen zu dem, was Christus Wahrheit nennt, würde sie niemals provozieren. Ah. Et que les gens refusent à suivre ce que Jésus-Christ appelle la vérité, c'est pas un problème pour eux. C'est là, ils sont pas offensés. Galatia 3. Galat 3. C'est no male, no female. Kein weiblich und kein männlich. Il n'y a plus femme ni homme. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. From verse 26. 26. Verse 26. He said, for you are all the children of God by faith in Christ Jesus. Amen. It's not talking about Christianity. It's talking about the children of God. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Hier geht es nicht um das Christentum, sondern um das Königreich von Jesus. Verse 26 nous dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ici, ça parle, Jésus-Christ ne parle pas de chrétiens. Verse 27. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. 28. There is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female. For you are all one in Christ Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It is no longer about color. Es geht nicht mehr um die Hautfarbe. Black or white. Schwarz oder weiß. Je lis encore verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous tous êtes un en Jésus-Christ. Donc Amen. Ça montre que même la couleur de peau, ça, ce n'est plus important. Il n'y a plus blanc ou noir. Here is telling us it is no more outside, but inside. Hier steht, dass es nicht mehr um das Äußere geht, sondern um das Innere. Donc ça nous montre qu'il s'agit plus de l'extérieur, mais de l'intérieur. Amen. We don't separate Jesus from Christ, but know the difference, please. Wir trennen Jesus nicht von Christus, aber kennen den Unterschied. Nous on ne sépare pas Jésus du Christ, mais on doit connaître la différence. We just read John 14. Amen. Johannes 14 haben wir eben gelesen. On vient de lire Jean 14. Amen. Amen. Where Jesus, that is verse 1, he said, where Jesus said, believe in my Father, believe also in me. Wo Jesus sagt, glaubt believe an den in Vater, God, believe also in me. Glaubt an den Vater, glaubt auch an mich, glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Dans Jean 14, verset 1, Jésus-Christ a dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Amen. It means believe on the outside, also believe on the inside. Glaubt an das Äußere, glaubt aber auch an das Innere. Amen. Donc ça veut dire, croyez à l'extérieur, mais croyez aussi en l'intérieur. It means without the outside, the inside cannot be saved. Das heißt, cannot das, save you. Without the outside, the inside cannot be here to save you. Denn ohne das Äußere kann das Innere nicht hier sein, um dich zu retten. Parce que sans l'extérieur, l'intérieur ne peut pas être ici pour te sauver. Mm-hmm. Amen. No one can be here on earth without the body. Denn without this earth suit, which is our body. Denn niemand kann hier auf Erden sein ohne diesen irdischen Anzug, unseren Körper. Mm-hmm. Et personne peut être ici sans avoir un corps. Et notre corps, c'est comme nos corps sont comme des vestes. Amen. Amen. Jesus made Christ legal on earth. Denn Jesus hat Christus legal auf dieser Welt gemacht. Ça veut dire Jésus a fait que le Christ soit légalement ici sur terre. Without Jesus, Christ is illegal here on earth. Denn ohne Denn ohne Jesus ist Christus illegal hier auf Erden. Parce que sans Jésus, le Christ est illégal ici sur terre. Because the Christ, the inside, is the Father, is the Spirit. The Spirit can never be here. That's why demons can never be here except they go through your body. They are looking for a body to be able to be here. Once they are here, they are illegal until they get a body. Denn das Äußere kann nicht Das Innere kann nicht physisch hier sein oder ein Körper. Deswegen brauchen auch Dämonen, weil sie geistliche Wesen sind, Körper, durch die sie arbeiten können. Sonst sind sie illegal hier auf Erden. Donc ça montre que l'intérieur, donc l'esprit, ne peut pas être ici sans le corps, sans l'extérieur. C'est ça pourquoi les démons, par exemple, sont aussi illégaux ici sur terre si ils ne partent pas à travers un corps ou bien un vaisseau en général. Praise the Lord. Alléluia. Remember the unpardonable sin. Erinnert euch an die unverzeihliche Sünde. Rappelez-vous au péché impardonnable. Amen. Amen. It's a sin against the Holy Spirit. Die Sünde gegen den Heiligen Geist. C'est le péché contre le Saint-Esprit. It means sin against Christ. Das heißt Sünde gegen Christus. Le péché contre le Christ. It means sin against the truth. Das heißt Sünde gegen die Wahrheit. Le péché contre la vérité. The truth is inside the word. Die Wahrheit ist in dem Wort. Parce que la vérité est la vérité est dans la parole. Jesus is the word. Jesus ist das Wort. Jésus est Christ la parole. Is the spirit. Amen. Christus ist der Geist. Le Christ est l'esprit. Praise the Lord. You know, if you see the body, you can never be free until you see inside. Wenn du den Körper siehst, kannst du niemals frei sein, es sei denn, du siehst das Innere, die Wahrheit. Nur die kann dich frei machen. Amen. Et si tu vois seulement l'extérieur, tu peux jamais être sauvé, parce que c'est l'intérieur qui peut te libérer. That's why in John 8, let's go to John 8 and see what Jesus said there. He said, you shall know the truth, and the truth you know shall free. He's talking about the inside of him. Et dans Jean 8, on peut voir que Jésus-Christ nous dit que c'est seulement la vérité qui peut te libérer. Deswegen sagt er, nur die Wahrheit, die in mir ist, die kann euch frei machen. Seulement la vérité qui est en moi peut vous libérer. Praise the Lord. Hallelujah. In John 8, from verse... From verse 30. Johannes 8, Vers 30. Jean 8, verset 30. As he speaks these words, many believe on him. Are you getting it? Here he was speaking to believers. Hier hat zu Gläubigen gesprochen. Not to unbelievers. Nicht zu Ungläubigen. À partir de verset 30, on peut voir que Jésus-Christ parlait aux croyants et pas aux incroyants. Amen. Amen. These people were already believers. Diese Leute haben schon geglaubt. Les gens étaient déjà croyants. Amen. Amen. Then said Jesus, verse 31. 31. To those Jews which believe on him. If you continue in my word, then are you my disciples indeed. Verse 32. 32. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Praise the Lord. Hallelujah. He's talking about the inside. Es geht um das Innere. You have to know the inside. That is Christ. Du musst das Innere kennen. Das ist Christus. Donc quand Jésus, si Jésus-Christ parle de la vérité, il parle toujours de l'intérieur. C'est ça pourquoi tu dois vraiment connaître l'intérieur. Are you getting it? Mm-hmm. Verse 31. 31. Praise the Lord. Sorry, verse 33 this time. 33. Verset 33. They answer him, we be Abraham's seed, and we are never in bondage to any man. How said thou, you shall be made free? You know, people are in bondage. They don't even know that they are in bondage. Leute sind in Gefangenschaft. They know they are in bondage. They pretend that they are not in bondage. Leute sind in Gefangenschaft und wissen gar nicht, dass sie in Gefangenschaft sind. Oder Leute sind in Gefangenschaft und wissen das auch, aber wollen es nicht zugeben. On lit encore verset 33. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves des personnes. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Donc ça montre ici que soit les gens sont dans la captivité et puis ils ne savent pas qu'ils sont dans la captivité ou ils savent qu'ils sont dans la captivité mais ils prétendent comme si tout va bien. Praise the Lord. Hallelujah. Remember these people, they were full of religion. Erinnert euch, diese Leute waren voll von Religion. Donc ça montre que les Juifs étaient remplis de la religion. Verse 34, Jesus said, Jesus answered them, verily, verily, I say unto you, whosoever committed sin is the servant of sin. Verse 35, and the servant abided not in the house forever, but the son abided forever. The son, know the difference between a son, amen, and a servant. Kennt den Unterschied zwischen einem Knecht und einem Sohn? On doit connaître la différence entre un fils et un esclave. Amen. Amen. You know, as a master, you know, if Christ is your master, you will live as a servant before him. Wenn Christus nur dein Meister ist, wirst du nur als Knecht zu ihm Bezug haben. Si Jésus-Christ est, par exemple, un maître pour toi, tu vas vivre comme un esclave. You live as a son. Aber du sollst wie ein Sohn leben und nicht wie ein Knecht. Mais tu dois vivre comme un fils et pas comme un esclave. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if you are working for any man, it's a matter of time you are going to get out of that evil job. Und für Menschen, but if that person is your father, amen, there's nothing to clean the blood. Wenn du für Menschen arbeitest, also wenn ein Mensch ein Chef ist, dann kannst du diese Arbeitsstelle kündigen. Du kannst den Chef wechseln, einen anderen haben. Aber wenn dieser Mensch dein Vater ist, kannst du deine Sohnschaft nicht kündigen. Dieses Blut kannst du nicht ausradieren. Si par exemple tu travailles quelque part et tu as un chef, un maître là-bas au travail, ça va faire peut-être un an ou bien peut-être même 10 ans après tu vas quitter ce travail, tu vas chercher un autre travail puis tu auras aussi un autre chef. Mais s'il s'agit de Jésus-Christ qui est ton père, rien peut te séparer de son sang. Mm. Amen. Amen. In verse 36, Jesus said, if the Son, therefore, shall make you free, you shall be free indeed. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Amen. From verse 37, you can see that, you know, Jesus was even talking to those people that called themselves Abraham. Abraham's seed, Abraham's family. Wenn wir in 37 gucken, sehen wir, dass Jesus da zu Leuten gesprochen haben, die sich die Nachfahren von Abraham genannt haben. Si on lit verset 37, on peut voir que Jésus-Christ parlait aux gens qui s'appelaient la postérité d'Abraham. Is somebody getting something here? You know, naturally, Jesus supposed to even be their family. Natürlich gesehen müsste Jesus sogar ein Teil ihrer Familie sein. The same Abraham. Weil er vom gleichen Abraham abstammt. Et naturellement, il fallait que Jésus-Christ soit même pas partie de la famille, parce que lui aussi naturellement, il était un Juif et puis il était aussi une postérité d'Abraham. But Jesus said, "You are not my family." Oh, Jesus said, "Ihr seid nicht meine Familie." Mais Jésus leur dit, "Vous êtes pas ma famille." Are you getting it? Praise the Lord. In verse 37, I know that you are Abraham's seed. That's the outside. Amen. Er sagt, ich weiß. I know that you are the Abraham. That's the flesh. Dass ihr Abrahams Same seid, also das Äußere, eure Abstammung, die kenne ich. Verset 37, Jésus dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Donc ici, Jésus-Christ parle de l'extérieur, de la chair. But you hate the truth. Aber ihr hasst die Wahrheit. Mais ici, il dit encore, mais vous détestez la vérité. But you seek to kill me. Aber ihr sucht mich zu töten. Il dit, mais vous cherchez à me faire mourir. Amen. Because my words have no place in you. Weil mein Wort, meine Worte keinen Raum in euch finden. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Amen. Amen. And I tell them that, you know, my father and your father are two different fathers. Deswegen sagt ihr, mein Vater und euer Vater sind nicht gleich. Et c'est ça pourquoi il dit, mon père et votre père, c'est pas le même. Il n'est pas le même. Better see Christ. Schau lieber auf Christus. Schau auf Christus Jesus alleine. Take your eyes away from the flesh. Nimm deine Augen weg vom Fleisch. C'est ça pourquoi on doit apprendre de voir seulement Jésus Christ. On doit arrêter de voir de la chair. In verse 38, he said, I speak that which I have seen with my father, and you do that which you have seen with your father. They're supposed to be just the same father. Naturally, amen. Mm. We're supposed to have the same father, amen. And he said, no, we don't have the same father. My father and your father, they are different fathers. Aber er sagt, wir haben nicht den gleichen Vater. Euer people. Vater und mein Vater sind nicht gleich. Wir sind unterschiedliche Leute. Dans le verset 38, Jésus dit, j'ai dit ce que j'ai vu chez mon père et vous, vous faites ce que vous avez entendu dans la part de votre père. Donc ça montre que naturellement, il fallait que Jésus-Christ et les Juifs soient unis, qu'ils ont un père. Mais Jésus-Christ montre qu'il y a une différence. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 39. 39. Verset 39. And they answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus said unto them, if you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. But now you seek to kill me, a man that have told you the truth, which I have heard of God. Thus, this did not Abraham. Verse 41. 41. You do the deeds of your father. Then said they to him, we be not born of fornication. We have one father, even God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, Jesus made it clear. Jesus clear. Hat das ganz klar gemacht. Jesus Christ, il a parlé clairement. That if you have a religion, it means you have another father. Dass wenn du Religion hast, dann hast du einen anderen Vater, anders als der wahrhaftige Vater. Donc ça montre si tu as une religion, tu as un autre père. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You know, if you judge by the flesh, you will be destroyed. Wenn du nach dem Fleisch richtest, wirst du zerstört. Si tu juges par la chair, tu vas être détruit. Amen. If you look at these people, they were always, it was all about the outside. Wenn du diese Leute anschaust, ging es immer um das Äußere. Pour les Juifs ici, il s'agissait toujours de l'extérieur. Again, remember the unpardonable sin. Erinnert euch an die unverzeihliche Sünde. Matthew 12, quickly go there, please. Matthäus 12. Rappelez-vous au péché impardonnable, Matthieu 12. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 12, verse 31. Matthäus 12, 31. Matthieu 12, verset 31. Praise the Lord. Hallelujah. He said, wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men. But the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The unpardonable sin. Die unverzeihliche Sünde. Le péché impardonable. A sin against Christ. Die Sünde gegen Christus. Le péché contre le Christ. Amen. Amen. The sin against the Father. Die Sünde gegen den Vater. Le péché contre le Père. The sin against the Holy Spirit. Die Sünde gegen den Heiligen Geist. Le péché contre le Saint-Esprit. And the sin against the truth. Die Sünde gegen die Wahrheit. Et le péché contre la vérité. Hating the truth. Die Wahrheit There's zu hassen. No forgiveness. Dafür gibt es keine Vergebung. Que tu détestes la Somebody vérité. Somebody C'est là où il n'y a pas le pardon. Praise the Lord. Hallelujah. You know, it is also, you know, all this. Go to Matthew 10, please, and let me quickly show you something there. Matthew 10, verse 20. And see the inside of Christ Jesus. Und wir uns das Innere von Christus Jesus anschauen. Et si on peut voir l'intérieur de Jésus-Christ. Amen. The inside of Jesus, which is Christ. Das Innere von Jesus, welches Christus ist. L'intérieur de Jésus, qui est le Christ. He said, for it is not you that speak, but the spirit of your father which speaketh in you. Amen. The spirit of your father. Der Geist eures Vaters. That is now in you. Der in euch ist. That speak. Spricht. That's why you know when you are going anywhere, you are not to be afraid. So wenn du irgendwo hingehst, of what you are going to say. So keine Any Angst question haben. They are going to ask you. Because it is the spirit of your father that dwells inside you that is going to give them the answer, whatever answer you need to give them. Du sollst keine Angst haben vor Fragen oder vor dem, was du sagen sollst, weil es ist der Geist deines Vaters, der durch euch reden wird. Matthieu 10, verset 20, on a écrit, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Dieu qui parlera en vous. Donc ça montre que n'importe quand tu parles, c'est toujours l'Esprit de Dieu qui parle à travers de toi. Même si on te demande, par exemple, une question, tu ne dois pas avoir peur parce que c'est Dieu qui parle à travers de toi. Amen. If you go to Luke 12, 12, you see what Jesus called the Spirit of the Father. Wenn wir zu Lukas 12, 12 gehen, dann sehen wir, was Jesus den Geist eures Vaters nennt. Et si on lit Luc 12, verset 12, on peut voir ce que Jésus-Christ dit sur l'Esprit de notre Dieu. Amen. Amen. Amen. Are you there, please? 12, 12. Felix, can you help us to read? Und der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Amen. Amen. Amen. For the Holy Ghost shall teach you in the same hour what you ought to say. The Spirit of the Father is the Holy Spirit. Der Geist des Vaters ist der Heilige Geist. Verset 12. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Donc ça montre que le Saint-Esprit est l'Esprit de notre Père. Amen. Amen. And that same Spirit is the truth. Is the Spirit of the truth. C'est le Geist der Wahrheit. Et cet Esprit est l'Esprit de la vérité. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. And that same Spirit is the Spirit of Christ. Und dieser Geist ist der Geist von Christus. Et cet esprit est aussi l'esprit du Christ. Amen. Amen. The inside of Jesus. Das Innere von Jesus. L'intérieur de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again, Jesus said in John 14, verse 1, Believe in God, believe also in me. Johannes 14, 1 hat Jesus gesagt, glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Et dans Jean 14, verset 1, Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Amen. We believe both. Wir glauben beides. Et nous, on croit tous les deux. Believe in Christ, believe also in Jesus. Wir glauben an Christus und glauben auch an Jesus. On croit en Dieu et on croit aussi en Jésus. Amen. You believe. So on croit à Jésus et on croit aussi au Christ. Praise the Lord. Hallelujah. We believe both, which is Christ and Jesus. Wir glauben an beides, an Christus und an Jesus. On croit tous les deux, on croit en Jésus et on croit en Christ. Amen. Amen. Religion believes Jesus, Religion but not Christ. Glaubt an Jesus, aber nicht an Christus. Religion glaubt an Jesus, aber nicht an Christus. Et la religion croit en Jésus, mais ne croit pas en Christ. Amen. Amen. Because they hate the truth. Weil sie die Wahrheit hassen. What Christ called the truth. Was Jesus Wahrheit nennt. Parce qu'il déteste la vérité, c'est que Jésus appelle la vérité. What Christ called the truth. What Jesus called. What the Bible called the truth is Christ. The Christ in Jesus. Was die Bibel die Wahrheit nennt, ist der Christus in Jesus. Et ce que la Bible appelle la vérité, c'est le Christ en Jésus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, then we say they believe the word. Die Christen, sie sagen, sie glauben an das Wort. Les chrétiens disent qu'ils croient la parole. But they hate the truth. Aber sie hassen die Wahrheit. Mais ils détestent la vérité. Are you getting it? Mm. They believe the word. That is what they will say. And just like Abraham, Jesus said concerning in John 8 that we read, if you were Abraham's son, children, you will do the deed of Abraham. If you really believe the word, you will believe Christ. Amen. You will love the truth. Mm. Und es hat auch Jesus zu diesen Pharisäern gesagt, dass er gesagt hat, wenn ihr wirklich an, wenn ihr wirklich Abrahams Same wärt, wenn ihr wirklich von Abraham abstammen würdet, dann würdet ihr auch die Werke, also an Abraham glauben oder die Werke von Abraham tun, weil wenn ihr die tun würdet, wenn ihr an ihn glauben würdet, würdet ihr auch die Wahrheit lieben. Et c'est ça ce que Jésus-Christ a dit aussi aux pharisiens. Il a dit que si vous êtes vraiment la postérité d'Abraham, là vous devez faire aussi l'œuvre d'Abraham. L'œuvre d'Abraham, c'est d'aimer la vérité. Praise the Lord. Hallelujah. Again, without Jesus, Christ cannot come here and live here and die for you and pay the price. Ohne Jesus hätte Christus nicht hierher kommen können, um auf diese Welt geboren zu werden, um für uns zu leiden und zu sterben und uns zu, durch seinen Tod zu retten. Donc sans Jésus, le Christ ne pouvait pas venir ici pour mourir pour toi et payer le prix pour toi. Amen. Amen. It is like you and me. So wie du und ich. C'est comme toi et moi. Amen. Without our body, we cannot be here on earth to choose Christ Jesus. Ohne unseren Körper können wir nicht hier auf Erden sein, um uns für Christus Jesus zu entscheiden. Et sans nos corps, nous sommes pas capables à être ici sur terre pour choisir Jésus Christ. Without our body, our spirit, we can never be here to live for Jesus. To live for Christ. Ohne unseren Körper können wir nicht irdig hier sein, um für Christus zu leben. Et sans nos corps, on peut pas être ici pour vivre pour Jésus Christ. And so we cannot say that our body is useless. Deswegen können wir nicht sagen, dass unser Körper nutzlos ist. C'est pourquoi on ne peut pas dire que nos corps sont inutiles. So also we cannot say Jesus, we will not believe him. Genauso deswegen werden wir auch nicht sagen, dass wir Jesus nicht glauben können. Et c'est pourquoi on ne va pas aussi dire qu'on ne peut pas croire Jésus-Christ. It is like, you know, the Bible talk about our body parts. Die Bibel spricht über unsere Körperteile, unsere Glieder. Et la Bible parle aussi de parties différentes de nos corps. 1 Corinthians 12. Please go there, please. Membre du corps. 1 Corinthians 12. 1 Corinthians 12. 1 Corinthians 12. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. On verse 12. 12. Verset 12. Amen. Amen. He said, for as the body is one, and have many members. See it. Amen. Amen. We are talking about Jesus and Christ. Es geht Amen. Um Jesus und Christus. Verset 12 parle encore de Jésus et du Christ. Mm-hmm. For as the body is one, and have many members, and all the members of that one body, being many, are one body. So also is Christ. Are you getting something here? Mm-hmm. Amen. Amen. Verse 13. Amen. 13. Verset 13. For by one spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond nor free, and have been all made to drink into one spirit. Verse 14. For the body is not one member, but many. Praise the Lord. Hallelujah. Your spirit needs your body, and your dein body Geist needs your spirit. Braucht dein Leib, braucht dein Körper, und dein Körper braucht dein Geist. Ton esprit a besoin de ton corps, et ton corps a besoin de ton esprit. Just like so also Jesus Christ can never be here without Jesus. Genauso kann auch Christus nicht hier auf Erden sein ohne Jesus. Et c'est comme ça aussi, le Christ ne pouvait pas être ici sans Jésus. He said, if the fool shall say, because I am not the hand, I am not the body, is it therefore not of the body? Verse 16. And if the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? Verse 17. Right. Praise the Lord. Hallelujah. If the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling? Praise the Lord. Hallelujah. Verse 18. But now hath God set the members, every one of them in the body, as it has pleased him. Verse 19. And if they were all one member, where were the body? 20. But now are there many members, yet but one body? 21. And the eyes cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of you. Praise the Lord. Amen. So also we need one another. So brauchen wir auch einander. C'est comme ça, nous avons aussi besoin de l'un et l'autre. Amen. You can see today how we work together. Wir haben das heute gesehen, wie wir zusammengearbeitet haben. Même aujourd'hui, on peut me voir comment on a travaillé ensemble. Praise the Lord. Hallelujah. No wonder Jesus said, be there for one another. Kein Wunder, dass Jesus sagt, seid da füreinander. Et c'est ça pourquoi Jésus-Christ a dit, soyez là pour les uns et les autres. That was his message before he left. Das war seine Botschaft, bevor er gegangen ist. Et c'était son message avant qu'il quitte. Praise the Lord. Hallelujah. And in verse 22. Name much more those members of the body which seem to be more feeble are necessary. Verse 23. And those members of the body which we think to be less honorable, upon this we bestow more abundant honor. And our uncomely parts have more abundant comeliness. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. You know how you take care of the part of your body that you don't even like. Wisst ihr, wie wir uns dennoch, want to fix it to be in the right position. Die Körperteile kümmern, die uns dennoch nicht gefallen, aber wir kümmern uns dennoch um diese Körperteile. I don't want to go to there. Amen. In verse 24, it says, for our comely parts have no need, but God hath tempered the body together, having given more abundant honor to that part which lacked. 25 and 26. That there should be no shame in the body, but that the members should have the same care one for another. Praise the Lord. Hallelujah. The body today is you and me and Christ Jesus. Und dieser Leib ist, sind du und ich in Christus Jesus. Et le corps, c'est toi, moi et Jésus Christ. Look at verse 26, very interesting. Verse 26. He said, and whether one member suffer, all the members suffer with it. Are you getting it? If one is suffering among God's children, all others are suffering. Leiden alle mit. Do you understand that? Verset 6 a dit, ou bien dit, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Amen. Or one member be honored, all the members rejoice with it. You know, we can even know that. We have been taught of that even in the natural family. Amen. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Und das haben wir auch erkannt in der natürlichen Familie. Was meinst du genau? In the natural family. You know, if your brother is having a problem, it's as if you are the one having a problem. Auch früher, als wir noch nicht zu Christus gehört haben, kannten wir das in der natürlichen Familie, dass unsere Geschwister Probleme haben, man das so mitgespürt hat und man das Gefühl hatte, oder es auch so gesehen hat, dass man selber dieses Problem hat. Et verset 26, on peut voir qu'on a même appris ça avant qu'on soit né de nouveau, parce que même aux familles naturelles, c'est normal que tu souffres avec ta famille. Si par exemple ton frère ou ta soeur a un problème, tu souffres aussi avec eux. Praise the Lord. Hallelujah. Now it's God's children. Und jetzt haben wir das unter Kindern Gottes. Mais maintenant, il s'agit des enfants de Dieu. In verse 27, we said, now you are the body of Christ. 27. Our members in particular. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. Again, Jesus and Christ are one. Jesus und Christus sind eins. Jésus et le Christ sont un. But we must know and understand the difference between them. Dennoch müssen wir den Unterschied zwischen ihnen kennen und verstehen. On doit toujours connaître la différence entre Jésus et le Christ. It is like our body and our spirit. C'est comme notre corps et notre geist. C'est la même chose avec la différence entre notre corps et notre esprit. Once you separate them, it's death. Wenn du sie trennst voneinander, ist es tot. Si tu les sépares, c'est la mort. It's just body separated from your spirit is dead. Wenn dein Körper getrennt ist von deinem Geist, wird das tot. Si ton corps est séparé de ton esprit, là ça veut dire que tu es mort. So also we are not to separate Christ and Jesus. Und genauso sollen wir auch Christus und Jesus nicht voneinander trennen. We believe both. Wir glauben beiden. C'est ça pourquoi on ne peut pas séparer Jésus du Christ, parce qu'on croit tous les deux. And that's why we believe Jesus, we believe the truth. Deswegen glauben wir Jesus und glauben der Wahrheit. C'est ça pourquoi on croit en Jésus-Christ, en Jésus, mais on croit aussi la vérité. But remember, Christianity, they believe, they will say they believe Jesus, but they hate the truth. Yeah. Das Christentum sagt, sie glauben an Jesus, aber sie hassen die Wahrheit. Et on peut voir dans le christianisme que les gens disent ils aiment Jésus mais ils détestent la vérité clairement. Praise the Lord. Hallelujah. You know, just like our old spirit and our body are one. Let me say we are one. Genauso wie unser alter Geist und unser Körper eins waren. Comme si notre ancien esprit et corps étaient un. Praise the Lord. Hallelujah. And then the new spirit. Der neue Geist. That is the spirit of Christ and our body are two different people. Und der neue Geist, der Jesus Christus ist, der Geist von Jesus Christus und unser Körper are two different people until we renew our minds. Zwei verschiedene Personen, solange wir unsere Gedanken nicht erneuern. C'est ça pourquoi notre nouveau esprit qui est Jésus-Christ et nos pensées sont deux choses différentes jusqu'à ce qu'on renouvelle nos pensées. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. I hope you understand what I just said. Amen. C'est la raison pour laquelle notre esprit et notre corps sont deux personnes différentes jusqu'à quand on peut jusqu'à quand on a renouvelé nos pensées. Amen. Amen. Our old spirit and our body, they are one. But once you are now saved in your spirit and your soul is unrenewed. Your soul and your spirit are two people. Because your soul is Christ, but your spirit is Christ, but your soul is still the old. There are two people. Dein alter Geist und dein Fleisch, sie waren eins. Aber dein neuer Geist, der jetzt Christus Jesus ist, und dein Fleisch sind nicht eins. Ne? Besser gesagt, deine Seele, die unerneuert ist, gehört immer noch zu deinem alten Fleisch. Und wenn sie nicht erneuert werden, sie können nur eins mit deinem Geist werden, wenn sie durch die Wahrheit erneuert werden. Avant que tu sois né de nouveau, ton ancien esprit et ton corps étaient un. Mais maintenant, depuis que tu appartiens à Jésus-Christ, ton esprit est Jésus-Christ lui-même, mais ce n'est pas uni, ce n'est pas un avec ton corps, parce que maintenant, ton âme qui n'est pas encore renouvelée appartient encore au corps. À l'ancien esprit. Praise the Lord. Hallelujah. Until your soul is renewed, you are two people. Erst wenn deine Gedanken nicht erneuert sind, bist du immer noch zwei Personen. Jusqu'à ce que ton âme n'est pas encore renouvelée, tu es encore deux personnes. Tu as, oui. Tu as deux personnalités. Until you allow the Holy Spirit to help you to renew your mind, your soul, so that what you have in your spirit come to your soul, you will be two persons. Mm. Wenn du nicht zulässt, dass der Heilige Geist dir hilft, deine Gedanken zu erneuern, deine Seele zu erneuern, dann werdet ihr immer noch zwei Personen sein und nicht eine Person in Christus, weil eure Seele sozusagen gegen euren Geist kämpft und sich eurem Fleisch angeschlossen hat. Et si tu ne laisses pas que le Saint-Esprit renouvelle ton âme, tu vas toujours être deux personnes parce que tu go to Galatians. Go to Galatians 5, so that you understand what I'm saying. Galatians 5. Praise the Lord. On va lire Galatians 5 pour que... Galatians 5. Talk about the spirit wrestle against the flesh and the flesh wrestle against the spirit. Galatians 5 verse 17 talk about your spirit and your soul that is unrenewed. Dein Geist und deine Seele, die unerneuert sind. Ton esprit et ton âme qui ne sont pas encore renouvelés. Amen. For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that you cannot do the things that you would. Is somebody getting it? Galates 5, verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Yep. Your spirit is always rejoicing. But until you renew your mind will be sad, though your spirit is always rejoicing. Mm. Dein Geist freut sich immer, aber wenn du deine Gedanken nicht erneuerst, wird deine Seele traurig sein, obwohl sich dein Geist gerade freut. Mm. Ton esprit, si tu appartiens à Jésus-Christ, ton esprit se réjouit toujours, mais tu peux être aussi triste avec ton âme parce que tu n'as pas laissé ton âme être renouvelée par le Saint-Esprit. Your spirit is never sad. It's Christ Jesus. Ist niemals traurig, betrübt, weil dein Geist Christus Jesus ist, wenn du errettet bist. Si tu es sauvé, ton esprit est jamais triste. But because of your renewed mind, your outside will be sad. Wegen deinen unerneuten Gedanken wird dein Äußeres traurig sein, obwohl dein Inneres voll Freude ist. Mais à cause de tes pensées renouvelées, ton extérieur va toujours être triste. So also is peace. Genauso auch wie Frieden. Et c'est la même chose avec la paix. There's always peace in Christ Jesus. Your spirit is always resting. Es gibt but the problem, you know, the middle, that part, until you renew it, you are two people. Two people are fighting. Dein Geist ist immer in Ruhe, aber wenn deine Seele nicht erneuert ist, there will be no peace in your soul. Dann wirst du keine Seele haben. Dann wirst du keinen Frieden haben in deiner Seele. Du wirst keine Ruhe haben in deiner Seele. Obwohl du Ruhe und Frieden in deinem Geist hast. En Jésus-Christ, il y a toujours la paix. Ça montre aussi que ton esprit a toujours la paix. Tu te reposes toujours dans ton esprit. Mais si tes pensées, ton âme ne sont pas encore, ton âme n'est pas renouvelée, tu vas jamais être capable à te reposer et d'avoir la paix en Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Jesus, when he came, he was 100% God. Als Jesus Christus gekommen ist hier auf Erden, war er 100%ig Gott. Quand Jésus-Christ était ici sur terre, il était 100% Dieu. And 100% man. Und 100%ig Mensch. Mais aussi 100% l'homme. It's like you and me today. So wie du und ich heute. Comme toi et moi aujourd'hui. If you are saved. Wenn du errettet bist. Si tu es sauvé. If you have received Jesus as your Lord and your wenn Savior. Wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter empfangen hast. Si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur. Your spirit is 100% Christ. Ist dein Geist 100%ig Christus, 100%ig Gott. C'est là où ton esprit est 100% Christ, c'est 100% Dieu. Just like Jesus himself, when he came, he inside of him was 100% God. Genauso so also, Christus. Your spirit today, if you are saved, your spirit is 100% God. Innerlich, vollkommen 100%ig Gott war, genauso bist du vollkommen hundertprozentig Gott, wenn du seinen Geist empfangen hast. Et c'est la même chose aussi avec Jésus-Christ. Quand il était ici, il était 100% Dieu en esprit dans son intérieur. Et c'est la même chose aussi avec nous. Si on appartient à Dieu, notre esprit est 100% le Christ. Praise the Lord. Hallelujah. But our body is 100% man. Aber unser Körper ist 100%ig Mensch. Mais notre corps est 100% l'homme. You know, Jesus used two terms to describe himself when he came. Jesus hat zwei Begriffe benutzt, um sich zu beschreiben, als gekommen ist hier auf Erden. Et quand Jésus-Christ était ici sur terre, il a utilisé deux termes pour ses décrire. Amen. He never said that he is one. He said he is two. Er hat nie gesagt, dass er eins ist, immer gesagt, er ist zwei. Il n'a jamais dit qu'il est un, mais toujours qu'il est deux. Go to Matthew 26. Matthieu 26. Matthieu 26. Praise the Lord. Hallelujah. He never said he is one, but two, but he is one. Er hat nie gesagt, dass er eins ist. Aber dass er zwei ist, aber er ist eins. Il n'a jamais dit qu'il est un. Il a toujours dit qu'il est deux, mais il est aussi un. Matthieu 26. Matthieu 26. Matthieu 26, verset 46. Praise the Lord. 66. Donc Matthieu 26, verset 64. Praise the Lord. 24, 66. Praise the Lord. Are we there, please? Jesus said unto him, "Thou hast said, nevertheless I say unto you, hereafter shall you see the Son of Man seated on the right hand of God. Of the right hand of power and coming in the cloud of heaven." Praise the Lord. Amen. If we live here, live there, go to Mark 14. Mark 14. Quickly go there. Danach lesen wir Markus 14. Mark 14, verse 41. Markus 14, 41. Je lis le quote. Je lis d'abord Matthieu 26, verset 64. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Maintenant, on va lire Marc 14, verset 41. And he cometh the third time, and said unto them, Sleep on now, and take your rest. It is enough. The hour is come. Behold, the Son of Man is betrayed. Are you getting it? He called himself the Son of Man. Er hat sich hier Menschensohn genannt. Et puis ici s'appelle encore le Fils de l'homme. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 16:16. Matthäus 16:16. The revelation of Peter. Die Offenbarung von Petrus. Et maintenant, on va lire encore Matthieu 16, verset 16, la révélation de Pierre. Are we there, please? We see the Son of God. And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Matthäus 16, 16, da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Matthieu 16, verset 16, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Are you getting it? You know, he is the Son of Man. Er ist der Menschensohn. He is the Son of God. Aber er ist auch der Sohn Gottes. Amen. Il est le Fils de l'homme, mais le Fils de Dieu. De Dieu. And if you also go to Luke 1, Lucas go 1. To Luke 1, so that you get it better. Amen. Amen. Luke 1, verse 32 and 35. Lucas 1, 32. Luke 1, verset 32. Amen. Amen. When Angel Gabriel came to Mary. Amen. Als Engel Gabriel zu Maria kam. Quand l'ange Gabriel a visité Marie. If even we, let's read from 31, 32, then 35. And behold, thou shalt conceive in your womb. Verset 31 jusqu'à 35. Amen. Amen. And bring forth a son, and shall call his name Jesus. Praise the Lord. Amen. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David. Verse 35. And the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus as the Son of God. Jesus and Jesus as the Son of Man. Jesus as the Menschensohn. Jésus comme fils de Dieu et Jésus comme fils de l'homme. Amen. Amen. He wants us to know the difference between both. Er möchte, dass wir den Unterschied kennen zwischen den beiden. Il veut qu'on comprenne la différence entre tous les deux. Amen. Amen. Allah sees the Son of Man and never the Son of God. Viele sehen den Menschensohn, aber nicht den Sohn Gottes. Beaucoup voient le fils de l'homme mais pas le fils de Dieu. And Allah see the Son of God, but they never see God. Und viele sehen den Sohn Gottes, aber nicht Gott. Et beaucoup voient le fils de Dieu mais pas Dieu. Are you getting it? Mm-hmm. All these are different. Amen. Alles, die alle sind unterschiedlich. Everywhere in the Bible said Jesus is God. Christ Jesus is God. Dass Jesus Christus Gott ist. Et partout dans la Bible on peut voir que Jésus Christ est Dieu. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I will not want us to go into that. Amen. Because of time. Amen. We are almost closing now. Amen. Amen. Jesus and Christ are one. Jesus and Christ sind eins. Jésus et le Christ sont un. But we must know and understand the difference between them. Wir müssen den Unterschied zwischen den beiden kennen und verstehen. Man doit comprendre et connaître la différence entre tous les deux. Amen. Amen. We cannot know and understand Christ without Jesus. Wir können Christus nicht kennen und verstehen ohne Jesus. On ne peut pas connaître et comprendre le Christ sans Jésus. Amen. Amen. Jesus said, I am the way to Christ. Jesus sagt, ich bin der Weg zu Christus. Jésus dit que moi je suis le chemin vers le Christ. Remember John 14, verse 6. I am the way to Christ. Jesus sagt, ich bin der Weg zu Christus. Jean 14, verset 6. Moi je suis le chemin vers le Christ. Amen. Amen. He said, no one can come to the Father except by me. Er sagt, niemand kann zum Vater kommen, es sei denn nur durch mich. Personne peut venir au Père sauf à travers de moi. No one can come to the Father. No one can come to the true God except by me alone. Niemand kann with me is true religion, you are going to miss Satan and not the true God. Niemand kann zur Wahrheit, kann zum wahrhaftigen Gott kommen, außer durch Jesus Christus, außer durch seine Wahrheit. Das heißt, wenn wir einen anderen Weg einschlagen, wenn wir den Teufel anfinden, aufnehmen. Donc Jésus nous dit que personne peut venir vers le vrai Dieu sauf à travers de moi. Et si tu prends un autre chemin, là, tu vas seulement rencontrer le diable. No one can come to Christ except by Jesus. Niemand kann zu Christus kommen, außer durch Jesus. Et personne peut venir vers le Christ sauf à travers de Jésus. It is Jesus first before Christ. Es ist Jesus zuerst und dann Christus. I don't know if somebody c'est is getting something. Jésus et après le Christ. You know, if you say you are coming to this house, inside this house, you have to first of all see the outside before you come in. Wenn du in dieses Haus reinkommen willst, musst du erstmal das Haus sehen, erkennen, vor der Haustür stehen, bevor du in dieses Haus eindringen kannst. Ist la même chose aussi avec avec ici, avant d'entrer ici, tu dois d'abord voir l'extérieur, voir la porte pour pouvoir entrer et venir voir maintenant la chambre. Praise the Lord. Amen. Jesus and Christ are one, but we are to know the difference between them. Jesus und Christus sind eins, wir müssen den Unterschied kennen. Jésus et le Christ sont un, mais on doit connaître la différence. It is like his name and his word. Genauso wie sein Name und sein Wort. C'est même aussi avec son nom, la différence entre son nom et la parole. His name and his word, they are both he. Sein Name but you have to know the difference. Und sein Wort sind beides er, aber du musst den Unterschied kennen. Son nom et sa parole, c'est lui, c'est Jésus. Mais tu dois connaître la différence. Amen. Psalm 138. Let's quickly go there. Amen. Psalm 1, 38. Psalm 1, verset 38. Praise the Lord. Amen. Psalm 138, verse 2. Psalm 38, Vers 2. 138. Psalm 138. Vers 2. Praise the Lord. Hallelujah. He's talking about two things here. But he is the two things. Er redet über zwei Dinge, aber er ist diese zwei Dinge. Ici, il parle de deux choses, mais lui-même, il est les deux choses. Somebody got this on to you. Amen. He said, I will worship towards the holy temple and praise your name for your lovely kindness, loving kindness, and for the truth. For thou hast magnified your word above all your name, his word and all his name. He says his word is greater than all his name. Das heißt, sein Wort ist größer als sein Name. But he is both. Aber er ist beides. Verset 2 nous montre que sa parole est plus grande que son nom, mais il est tous les deux. So also Christ is greater than Jesus, but both are him. Genauso steht Christus über Jesus, aber beides ist er. Donc sa parole est plus grande que tous ses noms, mais tous les deux c'est lui-même. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We cannot go to that of faith today. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We continue with that of faith on that is after retreat. Amen. Amen. How to live in faith and walk in faith. After retreat, we will talk about the Thema Glauben weitergehen, wie wir im Glauben wandeln und leben. Et après le retreat, on va continuer avec le message sur la foi et comment vivre dans la foi. Praise the Lord. Hallelujah. We want you to live in faith and walk in faith. Denn er möchte, dass wir im Glauben leben und im Glauben wandeln. Il veut qu'on vit dans la foi et qu'on marche par la foi. He wants you to live in the Spirit and walk in the Spirit. Er möchte, dass du im Glauben im Geist lebst und im Geist wandelst. In Galater lesen wir das. Et dans Galate, on peut voir que Dieu veut qu'on vit en dans l'esprit et qu'on marche par l'esprit. Amen. Amen. You are born by the Spirit. Wir sind durch den Geist geboren, aus dem Geist geboren. Tu es né par l'esprit. Amen. Amen. Christ Jesus is your parents. Christus Jesus ist Vater und Mutter für dich. C'est Jésus qui est ton père et ta mère pour toi. Amen. Amen. You are born by him. You are born by geboren, the Spirit. It means you live and walk in the Spirit. Aus dem Geist that's geboren. Und deswegen leben und wandeln wir im Geist. Das ist unser Leben. Et parce que Jésus-Christ est ta mère et ton père, tu as été né par lui. C'est ça pourquoi tu dois vivre en esprit et marcher par l'esprit. And that's how Satan will be afraid of you. Und so wird der Satan sich auch vor dir fürchten. Et c'est comme ça comment le diable aura aussi peur. And that's how Satan will hate you. So wird der Satan dich auch hassen. C'est comme ça aussi comment le diable va te détester. That's how demons will run away from you. So werden auch Dämonen vor dir fliehen. Et comme ça aussi les démons vont te fuir. And sicknesses and diseases will hate you. Und genauso werden auch Krankheiten und Seuchen comme ça aussi les maladies vont te fuir et te détester. Because you are not in their level. Weil du nicht auf ihrer Ebene bist. Du bist über ihnen. Parce que toi tu es supérieur de toutes ces maladies et problèmes. You are the head of principalities, all principalities and powers. Du bist der Kopf aller Gewalten und Herrschaften in Christus Jesus. Et tu es la tête de toute puissance et principautés. Praise the Lord. Hallelujah. They live under you. Sie leben unter dir. You are above them. Du bist über ihnen. Toi, tu es supérieur. Amen. They cannot rise above where they are. Sie können sich nicht zu dir erheben. Ils ne peuvent pas monter sur toi. Praise the Lord. Hallelujah. We continue. Être au-dessus de toi. Être au-dessus we continue de toi. With that of faith on as next week. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Amen. Amen.